Je vous ai apporté un petit cadeau. Oh, c'est gentil, c'est quoi? C'est un gâteau? Oui, ça s'appelle Koutia. C'est un gâteau d'Ukraine. Koutia? On le mange chez moi à Noël. Ah, c'est fait avec quoi? C'est un gâteau. Il y a des fruits et c'est traditionnel. Ah oui. Oh, on va goûter ça avec le café après le dîner tout à l'heure. Merci, c'est très gentil. Je vous en prie.